De A à Z, ya, yeah. Tout ça, l'exhaleur, esprit critique, Bruxelles, Liège, man. Monsieur les juges, c'est devenu urgent. Le bonheur frôle les murs, le ton est dur dans le murmure de mes gens. Le cœur se glace et le déluge. Qu'est-ce que t'as cru? J'ai appris que même des fois le froid ça brûle. Les miens s'insurgent face aux impurs. Ça les amuse quand les impurges le cul sur terre, un glissant sans la luge. Je voulais la douceur de la neige, j'ai eu la merde, en plus ça pue. Je parfume la dèche que ça les use. J'ai des bouts crus dans ma laitue, mon vécu à l'étude. Mon palais où jamais repu, je deviens moins taciturne. Je vis ma lecture, je suis qu'au début. Reste à l'écart comme un rebut, le centre tourne comme une torsion des burnes. T'as vu la brute quand on la brusque. Quand ce qu'il a tiré puni en plus a pris la puissance d'un obus. Robuste, pourtant j'ai plus de piquant au juste. J'ai mal jusqu'à la pue comme si j'étais mordu au buste. L'existence de rue est rude, planquée sous son gros pull. La vie pour la trouver belle, faudrait qu'elle se dénude. Pète en rut, mon rappel, j'ai brut. J'crache peine, c'est brume, manque plus qu'un clasher avec belle, c'est bu. L'esprit critique, dur à cuire quand la vie nous blâme. Hystérique avec besoin de faire tout partir en éclats. Passer nos voix dans tes baffles. De foutre des paf et laisser ce pays dans un sale état. Question contemporaine, est-ce bénéfique d'être contemporain? La réussite s'estompe et pourtant je perds mon temps pour elle. On fera pas croire à l'apogée de la science. La terre est à refaire et mes projets sont armés de patience. Moi je préférais crécher dans le placenta. Personne n'est parfait, j'ai du mal à me faire ma place dans le tas consciencieux. Pendant que mon cœur fait l'amour à la feuille, j'ai pas de morale à faire, on verra tous la morale à fin. Se distinguer, tracer son chemin tout en étant distant. Celui qui se plaint restera le même devant une main qui se tend. La vérité se trouve toujours où on ne la verra pas. J'écris mes vers à part, c'est vérifiable à travers toutes mes pages. Je te parle de moi sans savoir m'abstenir. Pendant qu'on ose me dire que le rap c'est nul et qu'on sait pas se tenir, j'y passe mes nerfs. C'est tout un art et j'ai mes partenaires. Pour faire bouger les choses, on fera tout nous pour y parvenir. Ça m'amuse pas moi de nous voir périr. Et la gloire se mérite et je ne pense pas qu'elle puisse m'appartenir. J'ai rien de savoir où est tout ça prend et on a tout à prendre. L'exhaleur d'as, tu vas nous voir venir. L'esprit critique, dur à cuire quand la vie nous blâme. Hystérique avec besoin de faire tout partir en éclats. Passer nos voix dans tes baffles. De foutre des baffes et laisser ce pays dans un sale état, yeah. Plus vite les gars, plus vite. J'suis pas là pour me faire des potes, moi j'fais de la musique. On n'a qu'une vie et dans mon cas ton accord est inutile. Écoute si tu kiffes, ne vends pas au môme si tu dis. Avec l'âge j'ai pris du pitch, vends mon rap au prix de l'usine. J'ai du mal à piger des trucs, j'ai plus l'esprit lucide. Je sais depuis tout petit ce que veut dire un génocide. La vie est devenue chère pour les vieux et pour les jeunes aussi. J'avale des trucs nocifs et j'arrive quand même à grossir. On a beau dire qu'il faut qu'on se tire, qu'il faut travailler son style, faut le faire et j'ai du mal. Faut se dégager du bas, dégoter du tas. Fais gaffe, tu t'égares et tu dailles. J'donne pas de conseils, j'constate qu'on saigne. Que c'est qu'à des enterrements que j'ai pu voir qu'on sème. Mon seul but c'est vivre ma vie comme je l'entends. Faire des grandes choses et tant pis si c'est lentement. Ouais, PSG, man, écoute ça, c'était l'exhaleur et Taz. On vogue, mec. Ouais, 2005. L'esprit critique, dur à cuire quand la vie nous blâme. Hystérique avec besoin de faire tout partir en éclats. Passer nos voix dans tes baffles. De foutre des baffes et laisser ce pays dans un sale état. L'esprit critique, dur à cuire quand la vie nous blâme. Hystérique avec besoin de faire tout partir en éclats. Passer nos voix dans tes baffles. De foutre des baffes et laisser ce pays dans un sale état.